vous êtes assez fait. 89.1 Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Marie-Laurence déjouera dans les feuilles d'arbres dans le loisir bien plus qu'un jeu. Et Louis-Philippe Quentin tournera avec tous les feuilles du prochain journal sur le campus. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour, bienvenue à Assemblage Reiki en ce mardi 1er décembre 2015, 147 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Le mois de décembre, Tania. Oh, déjà. Oui, on a déjà fait septembre, on a déjà fait octobre, on a fait novembre. Mais on dirait que je suis pas prête à décembre. Non, hein, il arrive vite. Ouais, je sais. Il va commencer à faire froid. Hey, je suis déjà tannée de dégivrer mon auto le matin, là. Ouais. C'est incroyable. C'est encore correct. Oui. C'est passable. Ouais, passable. Voilà. Ça va empirer d'ici la fin de la semaine. C'est sûr. Mais une chance qu'on sera pas là à la fin de la semaine. Une chance. C'est ça. On vous en reparlera. Donc aujourd'hui à l'émission, on est mardi, bien sûr. Mm-hmm. Et on va voir à 8h Marie-Laurence Audet et la chronique Le loisir bien plus qu'un jeu. Elle nous parle de bénévolat, de divertissement, de choses qu'on peut faire pour agrémenter le quotidien autre que le travail. Ouais. Ensuite, à 9h, Louis-Philippe Quentin du Journal Zone Campus va venir nous lire un peu des extraits du prochain numéro qui sort aujourd'hui. Mmh. On a travaillé si fort jusqu'à hier soir. Ah ouais, on a travaillé fort. On travaille toujours fort. Donc à 9h, on va lui parler de ça. Sinon, il y a ta chronique à toi, Tania Esquerra-Eugénia. Qu'est-ce qui s'en vient? On parle de café ce matin. Ah, yeah! Yeah! Ah, mais on a... Est-ce que tu en as pour nous? Malheureusement, non. Mais j'ai une anecdote pour toi. Vas-y. Mais pas par rapport au café, malheureusement. Là? Comme là. Si tu me donnes le temps. On a le temps, là. On a le temps, là. Hey, ce matin, là, je me suis sentie assez mal, merci. Déjà en premier, tu sais, je me lève quand même tôt, je me lève vers 5h, 5h15. Wow! Puis là, ces temps-ci, je dois avouer que je snooze pas mal. Ouais. Mais tout ça pour dire qu'à 5h15, comme à l'habitude, mon cadran se met à sonner. Puis là, je me dis, je vis dans la maison familiale, évidemment, et ma chambre est située tout juste à côté de la salle des douches. La salle de douche. La côté du vestiaire. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Ma chambre est juste à côté sur la douche. Donc, quand il y a quelqu'un qui prend sa douche, je l'entends. Je veux pas, OK? Fait que là, à 5h15, j'entends la douche couler. Là, j'ai dit, mon Dieu, ma mère ou mon père sont de bonne heure à matin. T'sais, en temps habituel, ils se lèvent vers 6h30 pour se laver. Une heure raisonnable, ça. C'est ça. Exactement. Moi, je me lève à cette heure. C'est ça, pas à 5h15, comme moi. Mais là, je me dis, ah, peut-être que mon père doit aller au travail plus tôt ce matin ou je ne sais quoi. Alors, je re-snooze. Je décide de dormir encore un peu. Alors, à 5h40, mon cadran ressonne et là, je me rends compte que la douche fonctionne encore. Hein? Là, je suis comme, mais voyons, mais c'est parce que ça fait comme vraiment longtemps qu'ils sont dans la douche. Là. C'est comme, il y a ouais, un des deux. Ça laisse comme supposer des choses. C'est ça. Ouais. Fait que là, je me dis, ben voyons, tu sais, je vais monter en haut, je vais bien voir s'ils sont debout ou quoi que ce soit. Alors, je monte au premier étage et je me rends compte que mes deux parents dorment. Ouais. Là, je suis comme, mais voyons, il n'y a pas personne dans la douche. C'est comme, mais j'entends l'eau, là. Mais pour vrai, là. Oui, pour vrai. Puis aller voir, puis elle coulait pour vrai. Je suis pas folle. Mais là, au même moment où que je monte les escaliers, puis tu sais, je me rends compte qu'ils sont en train de dormir, mon père, son cadran sonne. Alors évidemment, il se lève. Puis là, je dis, mais qui est dans la douche? Là, il part à rire. Il dit, ben là, ça doit pas être nous, certains. Et je dis, ouais, mais va voir en bas, là. La douche, elle coule. Il y a de quoi, là. Et la douche est partie. Je veux savoir pourquoi. Et il y avait un immense dégât d'eau dans mon sous-sol ce matin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il était ouvert depuis hier soir? Non. Sa douche hier soir? La douche fonctionnait pas. C'est un tuyau qui est situé entre ma chambre et la salle de bain qui a fissuré ce matin. Oh non! Ouais, pendant la nuit. Alors là, à 6h, mes parents, les deux, étaient debout à genre... ramasser de l'eau partout dans le sous-sol. Et je me suis tellement sentie mal. J'étais comme, ça y est, c'est de ma faute. Non, t'as rien fait, c'est pas ta faute. J'ai rien fait, mais j'étais là, hey, je le sais depuis 5h15, puis j'ai snoozé. OK, c'est ça. J'avoue. T'es pas levé pour aller voir. Finalement. Ben, c'est ça, parce que moi, je pensais qu'automatiquement, c'était quelqu'un qui était dans la douche, parce que ça faisait exactement le même son que dans la douche. Mais non, c'était dans la salle où il y a la fournaise, puis tout ça. T'es pas imaginé des histoires genre c'est un itinérant qui vient prendre sa douche. Non, je te jure, avant mon père ramasser l'eau un matin, c'était pas une histoire. Ah, ben voyons donc. Hey, ouais, mais je me suis tellement senti mal. Ça commence mal. Mais tout ça pour dire que toute l'eau est ramassée, c'est seulement une petite pièce d'un tuyau qui a lâché. Mais hey, ça fuyait là, mon gars. Ouais, bon. C'est mon anecdote du matin. Oui, et t'as pas aidé tes parents parce que tu voulais te préparer pour l'émission. Exactement. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. Ouais. Hey, je me sentais mal en plus. Là, je suis là, je peux-tu faire de quoi? T'sais, les deux étaient en train de passer à la balayeuse à vacuumer l'eau qu'il y avait dans le sous-sol. Et que t'es bilingual. Ouais, c'est cool, hein? Mais c'est quoi de vacuumer? Passer l'aspirateur. Passer l'aspirateur, bon, d'accord. Un shot back. Ah, ben, nous aussi, ça va couler de contenu, hein, comme on l'a dit. Ben oui. Donc, commençons tout à l'heure avec ma chronique Le Bloc Pub, mais avant ça, Maud Audet. Dans les nues. Mm-hmm. Comme tes parents auraient pu être dans la douche. Dans la douche. Mais c'est pas ça. Non, ça coulait, mais d'une autre sorte. Et voilà. C'est ça. Tu veux pas imaginer ça, par exemple. Non, s'il vous plaît, non. Jamais ton portrait. dans les nuits de Maud Audet à Assemblage Rocky. Tu sais ce qu'il y a la nuit à la TV, là? Avant, dans le temps, là, il y avait... Bleu nuit. Il y avait Bleu nuit, tout le monde était tout nu, tu sais. Mm-hmm. C'était comme... L'hymne national de... L'hymne national, c'est ça. Mais ce que tu voulais pas pendant le Bleu nuit, ouais. C'était une pause. Ah non, mais... Parce que quelque chose qui te fait baisser, ça met une pause. Ben, surtout pour les... ouais. C'est ça. Fait que baissons-nous tous ensemble dans le bloc pub. Venez au bon marché. Oui, papa. Tout le monde aime. Ah, ah. Je préfère le good. I love you and I kiss you. 4,99$ la minute. C'est le bloc pub, la chronique dans laquelle on parle d'idées de marketing, de choses qui vont vendre d'autres affaires. Mm-hmm. Pas compliqué ça là, parce qu'on est pas compliqué. Commençons avec des chats. On commence toujours avec des chats dans la vie. T'aimes ça, les chats. Est-ce que t'aimes les chiens, par exemple, Mathieu? Hein? Je trippe pas, mais je peux apprécier certaines sortes de chiens ouais. qui sont petits, puis qui sont cute, puis fins. Mais j'aime pas les chiens qui sont comme agaçants. Agaçants. Tu sais, genre, à tout à l'heure courir après, puis vouloir absolument jouer là. Ouais. Ça me tape un peu sénère, on dirait un bébé. Comme les chats, quoi. Non, les chats, ça fait pas ça. OK, ça va. Les chats, ça fait jamais ça. C'est gentil, les chats, ça adore les chats. D'accord. Donc, j'aime l'indépendance ouais, des animaux ça. De compagnie. Les chatons collaborent avec la police belge sur Twitter. Sur Twitter. À la suite de la demande formelle de la police belge de ne diffuser aucune information sur les opérations en cours, les utilisateurs de Twitter ont choisi de partager des photos de chats accompagnées du mot-clic Brussels Lockdown. Oui. Donc, le 22 novembre, la police avait formellement demandé aux internautes de diffuser aucune information sur la vingtaine d'opérations en cours en lien avec les événements du 13 novembre à Paris, bien sûr. Mm-hmm. Donc, depuis les événements de Charlie Hebdo, les médias sont priés de ne pas divulguer de renseignements sur les opérations en cours afin de ne pas en fournir aux personnes recherchées. Le compte officiel de la police fédérale belge a donc tweeté ce message dimanche à 15h26, le 22 novembre dernier. Donc, je cite, « Par sécurité, veuillez respecter le silence radio sur les médias sociaux concernant les opérations de police en cours à Bruxelles. Merci. » Les premiers journalistes et les rédactions belges ont respecté la demande, notamment le journal Le Soir, qui dit, je cite, « Nous avons reçu deux coups de fil de la cellule de crise appuyée par le cabinet du premier ministre en nous demandant de ne pas donner d'indications trop précises afin de ne pas mettre la puce à l'oreille des gens qui ont été interpellés et de porter préjudice à l'enquête. Donc, de cette requête émanant de la police est née une initiative originale et amusante créée par les adeptes de Twitter et des chats. Quelques heures après, de nombreux internautes partageaient des images de chats utilisant le mot-clic Brussels Lockdown. Ainsi, ces multiples tweets flouent l'information disponible sur Twitter, mais amènent surtout une vague de légèreté dans un climat tendu. En tout, plus de 225 000 tweets ont été comptabilisés, principalement de 22h à minuit. Donc, on voit des chats couchés partout dans un lit et... Ça dit « Brussels Lockdown, let's share some pictures of our cats ». À la place de partager des informations policières, on partage des petits chats. T'as-tu vraiment descendu en bas de la page? Complètement, t'aimes les... Complètement. Tu sais, je pense que c'est le gars qui a comme été accusé à un certain point d'avoir fait les explosifs. OK, ouais. Et là, ça s'est donné à cœur joie aussi dans les gags sur ces photos-là. Hein? Raconte-nous-en. Bien, d'accord. Il dit « J'avoue, j'ai entendu qu'il parlait de balancer un truc lourd, mais je pensais que c'était une mixtape. » Oui. Ou bien encore, il dit « Ils m'ont demandé si je savais faire des cocktails Molotov. Je leur ai répondu que j'étais pas barman. » Ah, oh, wow. J'ai entendu le mot grenade et j'ai d'abord pensé à ce délicieux fruit exotique. Et voilà. Donc, les initiatives de la semaine dernière sur Twitter où des milliers d'internautes avaient utilisé le mot clic porte ouverte qui aidait les personnes impactées par le blocage de la ville et ne pouvant pas rentrer chez elles. Plusieurs internautes solidaires ont alors proposé d'accueillir des gens dans le besoin chez eux. Et le mot clic recherche Paris, quant à lui, permettait de partager les photos et non de personnes portées disparues afin de faire avancer les recherches. Mm-hmm. Une expérience client, est-ce que c'est important pour toi quand tu entres dans un magasin, est-ce que tu dois te sentir accueilli? Ça dépend. Ça dépend vraiment ce que je cherche. Quand tu sais ce que tu veux acheter, t'as pas vraiment besoin d'avoir Exactement. Un vendeur dans tes pattes. Parce que bien souvent, ça va m'énerver plus que d'autres choses. Moi aussi. Si je veux de l'aide, je vais t'en demander. C'est ça. Je vais t'avouer que si, exemple, je rentre dans un café ou quelque chose comme ça, là, je m'attends à avoir une expérience client. Oui. Il faut que tu me serves. C'est ça. L'addition à la fin. Et voilà. Donc, quel est selon toi le magasin ou l'endroit qui a la meilleure expérience client à ton avis d'humble consommatrice? Mon Dieu, c'est une bonne question. Je serais tentée à dire Starbucks. Ah! Ouais. Okay, parce que c'est personnalisé, parce qu'ils écrivent ton nom avec des fautes sur ton verre. Ouais, c'est ça. Avec un H. Mais bien souvent, si t'es, mettons, dans le temps de Montréal, ils vont avoir un air bête. Donc, finalement, l'expérience client, elle doit être pourrie là-bas. Ouais. Parce qu'ici, il n'y en a pas à Trois-Rivières. Ouais, non. Mais là, je dois avouer que j'ai l'article devant moi. C'est un peu trop mais peur. J'avoue que lorsque tu regardes le titre, ça fait beaucoup de sens. Ça a bien, bien du sens. Donc, c'est David Stee qui est au sommet de l'expérience client. La firme de recherche Léger a mené une étude auprès des clients de 143 détaillants québécois afin de découvrir lesquels avaient la cote en matière d'expérience client. David Stee y triomphe devant Pennington's et Yves Rocher. De plus en plus, les consommateurs vont en magasin pour acheter, mais aussi pour vivre une expérience. Alors que le commerce électronique prend de l'expansion dans les habitudes d'achat des Québécois, les détaillants tentent de garder leur attention en boutique en stimulant leurs sens. Par exemple, on offre des dégustations de thé chez David Stee, alors que Mondou, nourriture et objets pour animaux, propose des services gratuits comme le toilettage et la coupe de griffes. Une récente étude de la firme Léger a mesuré 20 aspects du magasinage pour découvrir l'effet d'un détaillant sur les consommateurs. Et parmi eux, les notes. On note la qualité des produits, le dynamisme et l'innovation, la qualité du service par les employés, la compétitivité des prix et les activités promotionnelles, l'ambiance en magasin, la personnalisation et la proximité. L'effet « wow » est le résultat d'une note de 90 et plus sur 100, alors que l'effet de déception, il aurait dû dire un effet « boo », provient d'une note de moins de 50. Donc. Mais je dois t'avouer que lorsqu'il y a beaucoup de monde dans une boutique David Stee, parce que bien souvent, les boutiques ne sont pas très grandes. C'est vrai. Il y en a juste une dans le coin. C'est vraiment encombrant. Là, comme des fois, ça peut devenir vraiment agressant. Mais ils ont beaucoup d'employés quand même pour une aussi petite vrai. Surface. Mais il y en a des fois qui te le démontrent, qui ne sont pas très contents qu'il y ait autant de clients. Ouais, j'avoue. Prends un petit thé là, puis va te calmer. C'est ça, exactement. Donc, David Stee, comme on l'a dit, l'emporte. Mm-hmm. Avec un indice de 96,8, suivi par Pennington's avec 96,6, Yves Rocher avec 95,8, Bath & Body Works avec 94,1. Oui, ça ne me surprend pas. Lush avec 93,7. Chocolat Favori, bien sûr, 92. Mondou, 90. Nespresso, 89,8. Vidéotron, Superclub, 87,9. Et Sephora, 87,8. Moi, j'ai l'impression que Sephora se retrouve là juste parce que c'est du maquillage. Donc, toutes les filles ont dit qu'il y avait une belle expérience. J'avoue. Parce que c'est vraiment pas le fun, là, se rendre chez Sephora. Il y a trop de monde là-dedans. J'ai jamais allé là. Puis les pas. Filles, bien souvent, sont bêtes. J'ai de l'expérience seulement chez Vidéotron. Chocolat Favori. Et oui. David Stee, et j'avoue que les trois, oui, c'est en effet des endroits assez plaisants à visiter. Des gens qui veulent t'aider, tu sais. C'est vrai. En marketing alimentaire, IGA occupe la première place auprès des consommateurs à 81,9. Métro, la seconde avec 81,6. Boutique sport et plein air, c'est Sale en tête avec 82,8 devant MEC. Pour meubles et décorations, c'est Ameublement Tanguay à 86,3. Loin devant JC Perrault. Canac est en première place des quincailleries à 83,9. Famille Prix, Français des pharmacies à 85. Il y a des catégories qui sont un petit peu moins populaires côté service à la clientèle. On serait pas très surpris de voir Kudo à 70,4. C'est souvent parce que c'est en plein milieu du mail, il n'y a pas autant de temps à passer avec les gens, ça passe, c'est moins proche du monde, je trouve. Ouais. Genre. Chez les grands magasins, l'Aubainerie prend la première place des dernières places, finalement à 70,7. Couche-Tard, 57,2. C'est un dépanneur. Ouais. Dépanneur. Tu t'attends pas nécessairement à un super bon service. Voilà, c'est tout pour l'expérience client. Ensuite, est-ce que tu as vu passer la publicité de Kijiji? Tragique. Non. Après leur rap tellement positif et drôle, Tam Tam TBWA signe la plus récente campagne de la grande guignolée des médias en dévoilant un coup d'éclat sur le web avec une vidéo et un message radio. Une offensive qui cherche à démontrer à quel point la pauvreté peut frapper subitement et que personne n'est à l'abri. La campagne vient en réponse à la pauvreté grandissante alors qu'un Québécois sur 10 vit aujourd'hui sous le seuil de la pauvreté. Donc c'est un coup d'éclat interactif. On va pas lire le reste de l'article parce que ça va tout nous gâcher. Donc regardons ensemble et je vais vous décrire à la radio l'émouvante offensive de la grande guignolée des médias version web. Je vais commencer par mettre du volume sur YouTube, puis ça va bien aller après ça. Donc, on voit quelqu'un taper sur YouTube. Il tape pour des voitures Mazda. Sur Kijiji? Oui, sur Kijiji, bien sûr. On pose le numéro de téléphone. Il est allé sur les packs, mais c'est une pub pour Kijiji. Le téléphone sonne. Ça, vous avez compris, je pense. Allô? C'est pour l'auto? Ouais, pas cher, parce qu'il faut que je la vende vraiment vite. J'ai perdu ma job, puis ben, ça va pas du tout. Avec deux petits à ma charge, puis pas de pension alimentaire, disons que j'avais pas trop d'économies. La semaine passée, je suis allée à la banque alimentaire. Je pensais jamais aller là de ma vie. Là, mon loyer est en retard, fait que Si je veux pas qu'on se retrouve à la rue, j'ai pas le choix, hein? Au Québec, le visage de la pauvreté change. 10% des familles vivent maintenant sous le seuil de la pauvreté. Si vous le pouvez, donnez à la grande guignolée des médias. Pour parler à quelqu'un et faire un don, appuyez sur le dièse. Il y a personne qui t'a posé la question, madame! Ouais, là, je suis comme d'accord avec toi et en accord aussi avec la publicité. Oui, oui. C'est vrai que ça arrive de plus en plus au Québec. Tout à fait. C'est vraiment pas plaisant. Non. Tout le monde peut se ramasser dans cette situation-là. Par contre, il n'y a pas personne qui va dire ça au téléphone à quelqu'un qui veut t'acheter ton char. Et remarquez que dans la version web, en tout cas, il n'y a personne qui pose la question puis elle fait juste déballer son histoire, ouais, comme exact. Si, tu sais. C'est pas naturel. Il y a personne qui va dire « Hey, ouais, mais là, j'ai perdu ma job, puis je vends mon char parce que quand même, j'ai plus d'argent, puis mes enfants à charge, puis... » Je trouve que, tu sais, oui, c'est important de le savoir. Oui, c'est important de conscientiser les gens à donner, justement. Ouais. Mais c'est du sensationnalisme. Tout à fait. Tout à fait. Mais ça va fonctionner probablement. Ben, c'est sûr que ça va fonctionner. De toute façon, ça, le Noël du pauvre, ouais. La grande guignolée, vu-tu qu'on en nomme, là, il y en a combien pendant le temps des fêtes? Sont toutes là. T'sais, c'est nous aussi, on est pauvres. Là. Oui, c'est ça. On n'est pas très riches, là. Non, pas tant. Ensuite, du marketing de rue à la sauce Burger King, Tania. Oui? Oui, l'agence Buzzman réalise depuis plus de 2 ans des opérations de marketing de rue originales visant à promouvoir chaque ouverture de succursale de Burger King en France. Burger King? Mm-hmm. Le restaurateur s'installe progressivement en France depuis 2013 et pour promouvoir cette implantation, l'agence a imaginé une stratégie originale mêlant l'univers des réseaux sociaux au monde réel. De nombreuses ouvertures de succursales sont accompagnées d'un tweet destiné à Burger King et de la réponse humoristique du restaurateur directement sur la façade de l'établissement en chantier, là où c'est en construction pour ouvrir un futur Burger King. Ces opérations de marketing de rue permettent de promouvoir l'ouverture de restaurants et de mettre le compte Twitter de Burger King en valeur, en plus de la marque en général. Et l'offensive établit un contact avec la future clientèle. Donc, par exemple, il y a quelqu'un qui écrit... C'est monsieur T quelque chose. Quand il y aura un Burger King à Lille, je vous payerai tous un menu. Retenez bien. Et là, Burger King de tweeter. Et heureusement que personne ne retweetera cette photo, Vanukia. Mm-hmm. Hein, parce que là, c'est fait. T'sais. Il y en a qui sont très bonnes. Il y en a une que c'est hashtag quand j'étais gamin, je croyais que plus tard, je serais présidente de la République et que j'ouvrirais un Burger King à Brest. Ils ont répondu sur le mur du Burger King. Salut Camille Cholet, il ne te reste plus qu'à devenir présidente. Une chose à la fois, tu sais. Ah, c'est très drôle. C'est un bon coup de marketing. C'est génial parce qu'il n'y a rien d'habitude sur un mur de centre d'achat avant que le magasin ouvre, à part une publicité puis un logo. Il n'y a pas grand-chose. Donc, ne dites rien. On a fait croire à nos voisins qu'on était un restaurant japonais. Et là, il y a le logo de Burger King marqué en japonais dessus. Et c'est marqué ici prochainement ça. Il y en a un qui s'est marqué à l'envers, bien évidemment. Vous serez bientôt du bon côté, mais c'est tout écrit à l'inverse, comme s'il fallait être à l'intérieur du Burger King pour être capable de le lire correctement. OK. Wesh, j'imagine que ça veut dire wash. Il est même pas midi, Burger King s'est blindé, ouvrez-en des autres, oui. Donc, là, il répond « Salut à M. Roy Music, pour te faire plaisir, on va en ouvrir un ici. T'as vu? » T'as vu, c'est très, très français. Ouais. Bref, Burger King, qui fait de la pub de rue, ou en tout cas de corridor de magasins, de centres d'achat. Il y en a un qui dit « Dépêchez-vous d'ouvrir à Toulon, vous allez être ma deuxième maison. » Et Burger King de répondre « D'accord, mais ne comptez pas sur nous pour faire votre lessive. » Est-ce que t'as entendu parler de Radio-Canada qui a fait une petite gaffe sur Une Internet. Petite gaffe, je sais pas si c'est une gaffe ou bien c'est vrai, ou si ça s'est pas fait hacker, en fait. Ben, c'est ça qu'on se demande, là. Je suis pas allé chercher plus loin que ça, mais ça semblait être une journée normale et Radio-Canada a commencé à faire des tests ou encore à se faire hacker jeudi dernier avec plusieurs notifications qui servaient à rien, donc des couef, default taker, test Saint-Lô 2, test Matt Saint-Lô, camion gris, entre autres. Une série de notifications envoyées par l'application de Radio-Canada Info qui a mélangé plusieurs internautes qui se sont alors tournés vers les réseaux sociaux pour comprendre ce qui se passait. Parmi les notifications, on trouvait Camion Gris, le fameux véhicule. Certains disent encore qu'il existe quelque part, qui s'est retrouvé bien malgré lui, le hashtag employé par les utilisateurs pour décrire la scène. Il faut préciser que c'était mieux que hashtag Radio-Canada fail qui aurait pu être utilisé, nous dit l'article de infopresse.com. Donc, l'aspect positif, c'est que Radio-Canada a un petit peu récupéré ça en faisant des petits gags. Mm-hmm. Des petits gags. Donc, bon, évidemment, les gens ont posté sur Twitter des images du camion de Hydro-Québec. Et là, les gens disaient, est-ce que c'est le camion gris que vous recherchez? Et Finalement, ici, Radio-Canada a répondu en disant « Fait-il hashtag QuefQuef » qui est une des phrases qu'il avait postées. Si oui, c'est lui. Et donc, on met encore une fois, on repost, on retweet le camion gris. Il y a... qui d'autre? Tiens, il y a Louis T. qui poste sur Twitter. Moi, avec la vedette de l'heure, Mathieu Saint-Laurent, qui était le gars de Radio-Canada. Le gentil technicien derrière hashtag camion gris. Donc, on a posté des keep calm and camion gris sur Twitter. Hey, le mot clic camion gris cette journée-là a été le numéro 2 au Canada. Oui. C'est quand même gros, fort, là. Ouais, ouais. Donc, c'est à peu près ça pour Radio-Canada Info. @ Radio-Canada Info qui a pu désamorcer plusieurs personnes de mettre en lumière l'humour de hashtag camion gris et de changer le cœur de la conversation. Donc, des erreurs autour des erreurs sur Internet. Voilà, c'est tout pour cette portion du bloc pub. On en fera d'autres une autre fois, habituellement pas mal le mardi. Mais pour l'instant, au retour, ce sera Marie-Laurence Audet avec la chronique Le Loisir bien plus qu'un jeu. À Assemblage Requis, c'est là. Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Requis en ce mardi 1er décembre 2015. C'est Nathalie Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, on accueille avec grand plaisir, générosité, gracieuseté d'âme. Nous accueillons tout le monde, les mendiants qui viennent passer devant. C'est quoi ça? Les mendiants qui passent devant le studio. Mais on est une œuvre de bienfaisance comme la Grande Guignolée. OK. On vous offre un spot à la radio. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui, c'est ça. Venez nous raconter votre histoire. Ça pourrait être intéressant, mais à la place, on préfère entendre celle de Marie-Laurence Audet. Voici Le Loisir bien plus qu'un jeu. L'affaire, c'est qu'on... Non, je ne crois pas qu'on non, soit en onde. Non, je ne crois pas qu'on soit en onde en ce moment. Ah, attends, les micros fonctionnent? Ah, les micros fonctionnent, mais ça veut pas dire qu'ils diffusent en onde. Ouais, non, ça, c'est ça. Peut-être qu'on se parle juste entre nous. Peut-être que ce serait comme le meilleur moment de radio qu'on aura jamais vécu. Sauf que l'affaire qui est plate, c'est qu'on n'enregistre pas en ce moment. Parce que l'ordinateur d'archivage est éteint. Oui, mais là, je sais pas si on parle à quelqu'un, mais si on parle probablement à quelqu'un, il faut que les gens viennent nous aider. Ah, là! Ah! Comme tout vient de lâcher, là, ici. Bon, on aimerait bien vous tenir compagnie jusqu'à notre retour en ondes. On pourrait toujours faire ça, mais on sait pas. On devrait probablement aller voir s'il se passe quelque chose. On devrait probablement. On devrait. Donc, si vous êtes encore à l'écoute, mais ce qui est plus probable... Si vous textez-nous! Textez-nous, non, mais... Si, oui, premièrement, textez-nous ou écrivez-nous sur Facebook, ça va être encore en ondes. Par contre, nous, juste pour vous dire qu'on va prendre une petite pause, on va aller régler le problème et on va revenir dans quelques instants. Merci d'être à l'écoute. Vous êtes assez fous, 89 FM, parce que juste nous autres qui a des pannes de courant. À plus tard! Was meant to be. Offer me a free lobotomy. Got to be sedated to be seen on the cover of your magazine. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. If it happened, it was meant to be. Got me a lobotomy for free. Now I'm so sedated and serene on the cover of your magazine. Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Oh, and I suppose I've brought it all upon myself. Starting with the question no one wants to ask themselves. Director's pet. Everybody told me take whatever you can get. Everybody told me take whatever you can get. Lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie.

Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Bonjour, c'est toujours Assemblage Reiki en ce mardi 1er décembre 2015, Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Ah, merci beaucoup de l'admettre. On inclut tout le monde à l'émission. On inclut tout le monde. Tout le monde. Même les maudits journalistes. Oh, ouais. Lui, c'est pas vraiment un journaliste. En fait, c'est un rédacteur en chef adjoint. Fait que soyons clairs dans les termes. Là, donc voici Louis-Philippe Quentin et la chronique du journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Oh oui, c'est frappant comme Zone Campus. On est là comme des animateurs de bulletins de nouvelles à mettre nos feuilles sur la table comme... pour qu'ils soient bien droits. Bonjour à toi, Louis-Philippe Quentin. Salut, Mathieu. Ça va? Ça va bien? Ça va bien, toi de même? Très bien, merci beaucoup. Donc, le journal Zone Campus qui va sortir plus tard aujourd'hui, en ce mardi matin. C'est le numéro 7 du volume 11, en kiosque du 1er au 14 décembre 2015. En une, on parle du match de financement du Movember, mais on y reviendra en sport. Exactement. C'est bon, ça? Commençons par les actualités avec l'EIF, l'École internationale de français, l'UQTR, qui est satisfaite de l'intégration des Chinois. Oui, donc ça fait quelques fois qu'on essaie de rencontrer Manon Liénard, qui s'occupe de tout ça. Finalement, Laurence a réussi... Gagné. Laurence Gagné, exactement, a réussi à entrer en contact avec elle. Puis elle nous explique, pardon, pour mon lapsus. C'est chinois, je pense. Oui, exactement. C'est ça. L'intégration est tellement forte des étudiants chinois que... un peu devenu chinois. T'en perds ton latin. Exactement. J'en perds mon latin. J'en perds même mon mandarin. Ton mandarin. Voilà. Donc, il y a 30 étudiants chinois qui sont arrivés à l'UQTR il y a de ça 3 mois. Donc, c'était une première. On sait qu'on est une université avec beaucoup d'étudiants qui viennent de l'extérieur. Oui. Mais internationaux. Internationaux, exactement. Donc, cette fois-ci, c'était des Chinois. Évidemment, il y a un gros choc culturel entre la Chine et ici, on va se le dire. Ainsi, on se demandait si c'était compliqué pour eux de s'intégrer. Semble-t-il que ça va bien, mais qu'ils ont de la difficulté encore, malgré le fait qu'ils ont appris le français, à le parler. Ah. Parce que très différent, lire le français, parler le français, surtout celui... Le Québécois. Parle, Québec, Québécois, exactement. Ouais. Ouais, ça... Pas la même chose. Non, parce que je crois qu'en fait, Laurence avait essayé de rencontrer les étudiants eux-mêmes... pour le numéro d'avant, puis ça avait pas fonctionné parce que c'était trop compliqué de communiquer avec eux. Ils comprenaient pas. Ouais, ça avait l'air... semble-t-il que c'était une situation fort cocasse pour notre journaliste Laurence. Mais là, ça fait juste 3 mois, ils ont pas encore passé au travers de l'hiver. Peut-être que ça va moins bien se passer. On verra, on verra. Peut-être qu'ils attendent les cadeaux de Noël pour... J'espère qu'ils se sont commandés des bons manteaux, là, parce peut-être. Que... Donc, toujours en actualité, évidemment, le mot de la rédaction, c'est toi qui l'as écrit. Oui, c'est toi qui l'as écrit. De la fleur à la racine est le titre. Voilà. J'ai écrit ce mot de la rédaction lorsque j'écoutais un album de Martin Léon, qui date de 2007. Puis ça m'a fait penser que j'ai découvert Martin Léon avec son dernier album, Les Atomes, et qu'ainsi, je trouvais intéressant d'approfondir un artiste, mais de la fleur à la racine, c'est-à-dire... Ouais. Du sommet de son œuvre jusqu'à ses premiers balbutiements. C'est une manière différente de découvrir un artiste, mais qui peut rester fort intéressante d'un point de vue analytique. Voilà de quoi je parle dans mon mot de la rédaction. Ouais. Ensuite, toujours en actualité, c'était le lancement récemment de la plus récente thématique pour le prochain carnaval étudiant qui est en janvier. C'est Nouvelle Génération. Ça veut pas dire grand-chose, mais l'article l'explique. Exactement, parce que juste comme ça, on se dit, oui, Nouvelle Génération, c'est toujours ça qu'il y a dans l'université, les Nouvelles Générations, voilà. Mais il y a une autre chose qui portait comme titre Nouvelle Génération, si vous vous souvenez bien, les amis. J'imagine qu'il faut penser jeune, tête de Gracie. Genre. Exactement, c'est ça, parce que sinon, ça aurait pu être Star Trek, ça aurait pu être plein d'autres choses. Non pas que Drake est devenu le porte-parole du carnaval étudiant. Oh! C'est pas ça qui arrive. Cependant, Hotline Bling. Je pensais qu'on avait une nouvelle mascotte. Ouais. Non, ça aurait été plutôt cocasse, n'est-ce pas? Mais non, en fait, c'est juste qu'on va utiliser des thématiques qu'on voit souvent dans des émissions qui traitent de l'école secondaire. Ah, cool. Donc, par exemple, ainsi, les étudiants de communication sociale auront pour thématique d'équipe les Nerds du lycée Einstein. L'AELL, donc le groupe d'étudiants en littérature, aura pour thématique le club médiéval de l'Académie Émeraude. Ça va dans ces thématiques-là. Donc, ça risque d'être assez drôle de fonctionner avec tous ces stéréotypes-là. Les clichés, exact. Ouais, exactement. On aime ça. Ensuite... En reportage, Lucas Hubert fait un plaidoyer pour une vision économique alternative. Oui, en fait, notre reporter Lucas Hubert est allé rencontrer Yannick Marcille, qui est un économiste, qui faisait une conférence sur l'austérité. Donc, politique d'austérité et exploitation des hydrocarbures, c'était le nom de la conférence. Lucas nous en parle dans son article, à savoir est-ce que c'est légitime ces espèces de... d'action-là, d'austérité que le gouvernement impose. Est-ce que c'est une solution? Est-ce que ça a déjà été fait auparavant? Il nous rappelle que pour justifier ses actes, le premier ministre nous avait comparé à la Grèce. Est-ce que notre situation économique, c'est-à-dire, est aussi dramatique que celle de la Grèce? Je ne crois pas, cependant... La question se pose. Exactement. Ensuite, tiens, parlant de questions qui se posent, on se demande si le prochain recteur va être Daniel McMahon. Donc, un nouveau recteur à l'UQTR. Les chances sont fortes. Ouais. Les chances sont fortes. Savez-vous pourquoi? C'est parce que, en fait, Daniel McMahon est le seul à s'être présenté. Oui, c'est ça. Hein? C'est étrange, n'est-ce pas? Gagnant par défaut? Ben oui et non. Parce que ce qu'il a exigé, c'est de recevoir plus de 50% des votes. Okay. Sinon, il ne... Parce qu'il y a quand même... Contre la chaise, mettons. Contre rien du tout. Dans le fond, le vote, c'est un référendum, oui ou non. S'il veut pas, si, tu sais, finalement, ce que ça dit, c'est s'ils veulent pas de moi, j'y vais pas. Oui, c'est ça. Exactement. Ouais. Il veut. Puis je trouve que c'est. Dans la mesure où il y a une seule personne qui se présente, je pense que c'était la chose légitime à faire. Il veut pas s'imposer, maintenant. Exactement. Il veut pas s'imposer, puis il veut aussi sentir l'appui de ses pairs, ce qui est relativement important. Louable. Bah oui, tout à fait. Voilà. Voilà. Il y a, je crois également, une certaine polémique. C'est de ça dont Sébastien nous parle dans son éditorial. Oui, parlons-en, tiens. Je fais un lien ici. C'est terrible. Il nous parle, en fait, de l'espèce de polémique qui est autour du fait que M. McMahon n'a pas de doctorat. Ah. Qu'il n'est donc pas chercheur de profession. Okay. Parce qu'on sait que quelqu'un qui fait un doctorat automatiquement est chercheur, évidemment. Ce qui n'est pas le cas de M. McMahon, qui a été, qui a seulement une maîtrise ici. Je mets des guillemets, on les voit pas dans le micro, là, mais évidemment, ça reste quelqu'un de très qualifié. Faut dire qu'il a été déjà vice-recteur à l'administration et aux finances. Il a déjà été maire de Nicolet, donc c'est quelqu'un qui est habitué de gérer plein de monde, plein d'affaires. Mais cependant, il y a quand même une petite polémique autour de ça. Évidemment, il y a eu une grosse campagne de salissage autour de Mme Ghazali, dernière rectrice. Donc, on veut pas que ça revienne qu'on se remette à tourner dans la même roue. C'est de ça dont Sébastien nous parle dans son éditorial. Quoi que si on se fie à l'histoire récente, il y a tout le temps des histoires de recteurs qui se font renvoyer après quelques années. C'est tout le temps la même histoire. Depuis que je suis au journal, c'est tout le temps la même affaire. On va voir c'est quoi la prochaine controverse avec lui. Ça nous prendrait un Denis Coderre proche du peuple universitaire, puis tu sais, quelqu'un là qui est proche du petit peuple. C'est quelqu'un ça que ça nous prendrait. Vrai, là, donc tu l'as dit, l'éditorial, c'est opacité quand tu nous tiens. On en parlera avec Sébastien dans une de ses prochaines chroniques. Il est le mercredi ici à Sondage. Oui, là. Ensuite, la recherche à l'UQTR des microbes pour réduire la pollution industrielle. T'as rencontré, en fait, pas toi, là, mais notre journaliste Gwendoline a rencontré Manel Gribi. Oui, sujet assez compliqué, faut l'avouer. Les microbes pour réduire la pollution industrielle. Quand vous lisez cet article, n'est-ce pas que vous êtes intrigué, mais également confus? En effet. Ça a l'air lourd un peu, ouais. C'était mon cas également. Je dois avouer que je le suis encore, malgré tout. Après avoir lu l'article. Non, ben non, l'article est très clair. C'est pas ça que je veux dire. OK. Cependant, ça reste un sujet assez intéressant. La culture des bactéries, des microbes, ce que Gwendoline nous explique dans l'article, si j'ai bien compris, permet la production de protéines. Ah. Oh. Et chaque bactérie a, mettons, je fais ça simple, un bon côté et un mauvais côté. C'est comme un mini-wheat, hein? Ben exactement. Un côté givré, puis un côté... C'est quoi l'autre? Fibreux? Ben, plat. Ouais, c'est pas mal tout à fibreux. Exactement. Donc, certaines fibres de la bactérie elle-même peuvent être encouragées pourrais-je dire, à devenir plus gentille. On va dire ça. On va dire ça comme ça, ce qui permet à une bactérie qui est 50% blanche, 50% noire de devenir complètement blanche et ainsi, en faisant ça par un procédé scientifique complexe. Évidemment. Et raciste. Ah, j'arrête pas de penser ça comme ça, là. Par ce procédé scientifique-là complexe que je ne saurais expliquer, ça nous permet de rendre les bactéries meilleures et ainsi de purifier, par exemple, l'air ou d'autres... pas éléments, là, mais d'autres situations polluées. Là, donc... Non, mais ils font du Febreze scientifique. C'est ça. Ah, exactement. Ça, c'est bien expliqué, ça. Dans ma grande confusion, t'as su m'éclairer. Voilà, j'aime ça. Ça aurait été sûrement encore mieux vulgarisé par Manel en tant que tel. Mais oui, mais comme on l'a pas, c'est très ça. Probablement. Ensuite, dans l'actualité, démystifier responsabilité subjective et criminalité. Par Marie-Odile Richard. Voilà, article très intéressant. Donc, on sait évidemment qu'il y a eu des attentats et que et qu'on en parle beaucoup encore dans les médias. Marie-Odile en parle également, mais s'attarde à un sujet dont auquel les médias ne s'attardent pas trop. Le Captagon, en fait. Le Captagon qui est une drogue qui donne un sentiment de puissance. Ouais. N'est-ce pas? Et le lien qu'elle fait avec les attentats à Paris, c'est qu'en fait, on constate que dans plusieurs attaques terroristes, le Captagon était utilisé par les terroristes eux-mêmes pour... Ça donnait un petit power trip. Oui, exactement. Ça lui permettait de d'ouvrir le de feu. Passer à d'être capable de tuer tout le monde. Exact. Ça, ouais. Donc, je savais pas ça. Moi non plus. Non, assez intéressant de savoir que ça peut, évidemment... Je suis pas non plus étonné de tout ça. Évidemment, c'est un acte dur à commettre, même pour un humain qui est extrémiste. Donc, on constate que ça arrive dans plusieurs situations. Évidemment, ça peut... à être relativement alarmant de savoir ça. Voilà. Pas mal, ouais. Ça, c'est quand il ouvre le corps, j'imagine, des... L'autopsie. Des... Ouais, ouais, pour ceux qui sont décédés, ou quand ils ramassent des morceaux à terre, pour ceux qui ont explosé. Je viens de faire cette blague-là à la radio. C'est une blague? Bah, je sais pas. C'est plus une exposition de... Une exposition de gens explosés, c'est ouais. C'est ça. Donc, on va... Là, on est en actualité, mais il y a un petit article de sport parce que ça atteint quand même la population trifluvienne. Donc, on parle de l'UQTR qui dit non au retour du football. Il fallait en parler. Il y a une brève, étant donné que tout le monde le couvre partout ailleurs, mais on tenait à le mentionner. Voilà. Ouais, c'est ça, on tenait à le mentionner. Puis, juste vous rappeler que ce que l'UQTR avait à mettre comme montant, c'était 150 000 $. Donc, refuser de le faire, refuser d'accepter que ce soit des investisseurs externes qui fassent... Donc, face ces dons-là, oui. Des mises de fonds de ce genre-là, donc ça va juste être non. C'est peut-être plus tard, tu sais. Mais peut-être plus tard, oui, mais... Dans une meilleure situation, dans un contexte économique différent. Voilà, mais pour l'instant, on a statué que la décision par rapport au football à l'université serait négative. Non. Voilà, serait non. Merci, non, merci. En loisir, on a bien sûr l'illustration d'Alexandre Laramie-Zouéki sur les Vendredis fous. On vous dit rien le plus qu'à d'aller voir la page 9. Parce que si on dit tout, à un moment donné... Hein? Non, de toute façon, une image vaut mille mots, hein, Mathieu. Tellement. Ouais. C'est cliché là, à souhait. Voilà pour les actualités. On passe en société. Eh bien oui, c'est Kevin Goudreau qui nous revient entre les deux pôles avec les bienfaits du soutien social. Voilà, de l'individu à la collectivité, le soutien social est quelque chose de très important pour l'humain. Article très intéressant de Kevin. Il nous parle du soutien social comme et différencie en fait le fait d'avoir un réseau social et du soutien social, parce que c'est très différent. Combien de gens, d'ailleurs c'est très actuel comme article, parce que combien de gens passent leur temps sur Facebook sans nécessairement se sentir réellement entouré, voilà. Ouais. Donc c'est un peu de ça dont parle Kevin dans sa chronique. Et il y a Christina Monfette-Fortin qui nous revient évidemment avec l'art de monter une mayonnaise et autres propos comestibles. Elle nous parle de métissage alimentaire. Voilà, tout en commençant en nous parlant de Kim Tsui. Christina va finalement nous parler de l'immigration, parce qu'on sait que l'auteur qui me suit est une immigrante. Donc, ainsi, elle nous introduit en fait le fait que les réfugiés syriens sont aux portes du Canada. En fait, oui, ils ont même déjà commencé à arriver. Elle nous parle un peu de la xénophobie des Québécois. Parce les qu'on sacs dira... à patates, là, comme on les appelle. Là. Exactement. Mais si je ne me trompe pas, je crois avoir vu une statistique qui disait que 53% des Québécois n'étaient pas favorables à... à l'accueil des réfugiés, ouais. Des réfugiés syriens. J'ai été étonné par cette statistique-là. Semble-t-il que Christina a également été étonnée parce qu'elle a fait un article là-dessus. Puis évidemment, nous encourage en fait les lecteurs à aller vers l'autre et croit que la cuisine peut être une bonne manière de partager avec ces nouveaux arrivants. Il finit en nous parlant justement de la mijoteuse, de cette cuisine automnale et de ce comfort food, comme on l'appelle en anglais. Article très intéressant, évidemment. C'est toujours le fun de lire Christina. Beau style d'écriture. Et tout juste en dessous de l'article de Christina, eh bien, on retrouve celui de Jean-François Veilleux. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire. Voilà, on voit où que ça s'en va, cet article-là. Ouais. Évidemment, on parle encore une fois des attentats à Paris. Toujours important de rappeler ça. Cependant, Jean-François se fait l'avocat du diable dans son article, puisque il va parler de l'ironie de la situation, étant donné que oui, évidemment, on ne bat pas ce qui s'est passé à Paris. Sauf non, que, oui, on ne sait pas, il y aurait dû en tuer plus. Non, exactement, sauf qu'il y a eu 130 décès, 350 ouais. blessés à Paris, incroyable. Du moins au Bataclan, où c'était... Ou en général, les restaurants du coin. Ouais. Voilà, je commence à être mêlé dans mes chiffres, là. Mais reste que dans le même mois, en fait, c'est, je crois, le 13 novembre, au Liban, 43 morts, 239 blessés. Puis c'était le même groupe terroriste qui faisait l'attaque. Qui a revendiqué l'attaque. Donc, on ne sait pas s'ils l'ont fait, mais du moins, c'est ce qu'ils disent. Ouais. Est-ce qu'il faut les croire? On ne sait pas. C'est ça. Même chose, 10 octobre en Turquie, 95 morts, 246 blessés. On est très proche de l'attaque à Paris, cependant, beaucoup moins médiatisé comme événement. Il va nous parler du Congo. Congo qui, depuis 1998, a fait. Il y a des situations difficiles politiques qui ont occasionné 6 millions de morts, 4 millions de déplacés. Ouais. Donc là, on se rapproche pas mal plus d'un génocide, si je me fie aux chiffres. Mais pourtant, beaucoup moins médiatisé. Ouais, ben tu sais, c'est ça. Comme on dit, moins médiatisé en partie, mais aussi les gens vont cliquer sur ce qui les intéresse et sont médiatisés quand même. Ces événements-là sont juste pas autant partagés par les gens parce que ça les touche moins que les gens qui parlent leur propre langue, à mon avis. Exactement. Puis comme le dit si bien l'historien Pascal Dory, le terrorisme est la guerre de notre temps. Wow. Voilà pourquoi c'est si efficace, surtout avec les réseaux sociaux. Tout à fait. Alors, on passe en arrêt spectacle avec la Nocturne de la Création qui avait lieu récemment au Musée québécois de la culture populaire, une soirée où tout devient possible. Voilà, c'est une soirée qui est organisée en fait par les étudiants eux-mêmes. Donc, ils sont très contents du résultat de la soirée, qui est en fait à caractère multidisciplinaire. Vous pouvez voir, il y avait une céramiste, des gens qui faisaient des marionnettes, il y avait également des représentations de théâtre, un spectacle de style freak show, quelqu'un qui fait des sculptures avec des ballons, comme les clowns. Donc, c'était vraiment très varié. La soirée est un franc succès, 100 participants qu'il y avait au musée ce soir-là. Donc, les gens semblent très contents en fait de l'organisation, de comment ça s'est déroulé. Donc, c'est le fun de voir que cet événement-là, que ça fait plusieurs années, qui... En fait, c'était la deuxième édition. Oui, deuxième. Donc, mais ça a déjà grandi en importance, donc on ne peut qu'espérer mieux pour la prochaine fois. Exact. Alors, ensuite, on va à la galerie R3, où il y avait un vernissage pour le projet Synthèse interdisciplinaire, avec 22 visions passées au tamis. Voilà, donc, en fait, je sais pas si tu viens de parler au passé, Mathieu, mais c'est le 18 décembre que... Je crois que oui, je m'excuse. Ouais, c'est ça. C'est le 18 décembre que ces étudiants-là de arts visuels et d'enseignement des arts visuels vont présenter le projet multidisciplinaire à la galerie R3. Simplement mentionner que la thématique est le Umbilicu Societas, ombilical et société. Fait que t'as retrouvé ton latin que t'avais perdu tantôt. Moi, exactement. Mais il était perdu dans cet article-là. Je suis bien content de l'avoir vu. Je l'avais surligné, ça aide. Ah ouais. Oui, j'ai l'habitude de parler au passé en lisant sur le campus. Je sais pas pourquoi. Sûrement parce que la plupart des affaires sont au passé, comme la tournée Panache sur les traces de la scène émergente en Mauricie. Une belle introduction. Merci. Oui, ça vient de terminer, en fait, la tournée Panache. C'est organisé par Radio-Canada, puis ça permettait à des artistes d'ici d'avoir une plus grosse vitrine qu'à l'habitude, bien sûr, parce que Radio-Canada sont assez forts là-dessus, diffuser des choses à grande échelle. Donc, ainsi, le spectacle comportait le groupe Cosmophone, le groupe Wisdom et les deux interprètes Camille Pétrade et Émile Brochu. C'était également un concours, donc les gens pouvaient aller voter sur le web pour l'artiste qu'ils préféraient selon une performance qui avait été filmée également professionnellement par Radio-Canada. C'est l'interprète Émilie Brochu qui s'est attirée la faveur du public. On va également revoir la tournée Panache au Festivois ainsi que les artistes séparément, je crois. Cool. Maintenant, on passe en chronique avec, pour commencer, la tienne, la chronique d'un lunatique. Retour et réflexion sur un grand de la chanson. Voilà, exactement. Donc, le grand de la chanson, je ne parle pas ici de Félix Leclerc, je ne parle pas de Dédé Fortin, je parle de ce grand de la chanson qui est plus récent, Louis-Jean Cormier. Mmh. Parce que je suis un peu sorti de Trois-Rivières la semaine dernière, je suis allé au Festival M pour Montréal, donc qui commence à gagner en ampleur à chaque année. Je suis allé voir le spectacle de Louis-Jean Cormier parce que j'étais curieux, en fait, de voir en spectacle cet album-là qu'il nous a présenté, Les Grandes Artères. Ça fait déjà presque un an. J'ai vraiment apprécié le spectacle, sauf que j'ai constaté en fait qu'il y avait premièrement la salle n'était pas sold out. Surprenant. Non, effectivement, c'était pas sold out, puis c'était pas un public qui était nécessairement très participatif en ce qui a trait aux nouvelles chansons. C'est sûr que c'est peut-être pas des chansons qu'on, qui font danser, qui font sauter dans les airs. Non, c'est ambiant pas mal. Voilà, c'est plus ambiant. Cependant, la question que je me pose dans ma chronique, en fait, c'est est-ce que son passage à la voix... Ben, c'est ce que j'allais dire. Lui a souri ou lui a nuit? Ben, lui a nuit. Ben, toi, tu penses qu'il lui a nuit? Je sais pas pour ta mieux. Moi, je pense qu'il a souri un peu parce que... Mais moi, honnêtement, je connaissais pas vraiment Louis-Jean Cormier avant de le voir là. Ouais. J'avais déjà entendu certaines... C'est le cas d'une grande partie du public québécois, en fait. Je pense que de ce côté-là, ça lui a souri parce que ça l'a fait connaître pour plusieurs autres personnes. Oui, il a fait du cash aussi. Ben, c'est ça. Ça, mais c'est peut-être que du côté de son auditoire habituel, ouais, ça lui a nuit. Exactement, ça a créé une forme de déception, mais en même temps, pour essayer de rattraper ce public-là avec Les Grandes Artères, il a fait un album peut-être un petit peu moins accessible. Ce qui fait que le public qui l'a connu n'a peut-être pas apprécié l'album autant qu'il devrait, mais le public qui le connaissait déjà n'a pas voulu consommer c'est l'album. Les gens qui l'écoutent pour la voix, ils l'écoutent pas pour sa musique, ils l'écoutent pour ses commentaires puis parce qu'ils le trouvent cute, puis on va le voir en show, puis finalement, ben, ils aiment pas ça parce que c'est pas pour eux autres. Non, c'est pas un cover de Ce soir, l'amour est dans tes yeux. C'est ça. C'est pas ouais, ça. C'est... Donc, ça le situe dans une espèce de zone grise. Ouais, évidemment, j'ai adoré le spectacle. Sincèrement, ça reste un artiste de qualité. Ouais. Il reste indéniablement très important pour la culture québécoise. Tu fais le porte-étendard de la chanson francophone, toutes ces affaires-là. Je fais une grosse éloge là, mais... Oui, un bon vocabulaire. Reste que... Il s'est situé, je pense, dans une zone grise. Peut-être même tiré dans le pied ouais, un petit peu. Il pourra jamais sortir de ça. Une fois que c'est fait, c'est fait. Côté la voix et TVA, c'est fait. Voilà. Mais ça reste bon pareil, ce qu'il fait. Bon. Exactement. C'est à moins. Mais je pense que c'est la même chose pour chaque coach aussi et ben oui, les mentors. Ariane Moffat. Qu'il y a, tu sais. Exemple, on prend Alex Nevsky, mais je pense que lui, au contraire, ça va lui avoir souri pour un plus grand public. Comme lui, exemple, déjà les madames vont plus l'avoir vu, l'avoir entendu à la voix. Donc là, de ce côté-là, vont pouvoir aller chercher l'album un petit peu plus que Louis-Jean Cormier. Ouais. C'est plus accessible du. Effectivement. Alex Nevsky. On a Pierre Lapointe qui est peut-être un peu moins accessible, mais qui lui a complètement plongé dans cette. Carrière télévisuelle-là. Il s'assume là-dedans. Il anime Stéréopop, voilà, qui est une émission. Grand public, maintenant. Très grand public, de variété, avec un caractère assez original, faut le dire, mais reste qu'il a plongé dans l'expérience à 100%, tandis que Jean Cormier, c'est plus comme tremper le pied, il a trouvé l'eau frette, fait qu'il est. Il s'est essayé. Ouais, voilà. Puis, rendu là, est-ce qu'il aurait dû peut-être juste continuer à faire de la musique? Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est peut-être mon avis. Mais je me souviens, avis, ça avait fait comme une espèce de controverse aussi, l'avenue de Louis-Jean Cormier et combien il avait gagné. Oui, puis le public qui disait, genre, ben là, c'est qui? C'est Louis-Jean Cormier. Voyons donc, comme juge, prenez donc quelqu'un de bon ou de connu, genre. Il avait été pointé du doigt beaucoup pour ce qu'il avait remporté grâce à ça. Oui, exactement. Donc, ce qui peut-être lui donne la difficulté de remplir des salles aujourd'hui, c'est la triste peut-être réalité. D'ailleurs, je crois qu'il est de passage. Au théâtre du Cégep le 5 décembre, j'imagine justement acheter que... des billets! Ouais, c'est ça, parce que c'est, comme on dit, c'est malheureusement pas des salles combles qu'il fait, c'est... Ouais, triste. Fort triste, ouais. Toujours en chronique, Vision d'Anna, c'est notre chronique littéraire avec Annabelle Deschênes-Gagné, créateur Ne vois-tu rien venir? Voilà, Annabelle nous parle de création cette semaine, donc le point de vue interne de l'auteur, qu'est-ce que c'est, mais aussi de technique de création originale. On te parlait par exemple de Georges Perec, auteur qui faisait partie de Loulipo, qui lui a déjà écrit un livre de 300 pages qui ne contenait aucunement la lettre E. Ça, c'est fort. Pas de E dans tout le livre au complet. Allô, c'est super compliqué. Vraiment, là, faut que tu penses à tout. Là. Oui, mais en fait, j'ai lu quelques extraits de ce livre-là, sans l'avoir lu au complet, je dois l'avouer. C'est, ça coule étonnamment bien. Ouais, ça se tient, mettons. Oui, ben, les choix de mots sont juste bons. En ouais. Fait. Donc, très intéressant. On va également nous parler de Raymond Queneau qui lui avait fait 99 fois la même histoire dans des styles différents. Wow. Exercice de style, littéralement. Là. Ah, c'est assez fort. Faut les gens qui ont étudié en littérature, ça doit être très, très intéressant. Ah, moi, au cégep, j'avais fait ça, littérature, puis ça devait... Non, c'était vraiment, vraiment intéressant. Ça, j'en avais lu quelques-unes aussi. Il y avait aussi les calligrammes de... Ah, j'oublie son nom. Guillaume quelque chose. Mais les calligrammes qui étaient en fait des poèmes... C'est Alexander Calligram Bell. Voilà, ça. Ça devait être ça, son nom, oui. Non, mais en fait, c'était des poèmes qui créaient un dessin à la thématique du poème. Donc, mais chaque phrase devait être de la bonne longueur pour pouvoir créer le calligramme. Ouais, le calligramme, justement. Annabelle, dans sa chronique, nous parle également d'écriture automatique qui consiste à être sur le point de s'endormir puis d'écrire à ce moment-là. Donc, il y a comme une espèce de confusion qui est là dans le texte tout en étant très sensé. Mm. Donc, vraiment intéressant comme article. Ça nous permet de voir que... Quand on essaie d'écrire, il y a plein de manières de renouveler son art. Prendre du captagon. Pour avoir le power d'écrire. Une autre très bonne manière. J'ai moi-même essayé, Mathieu, la semaine dernière. Ah, c'est ça. Miam, miam, miam. La dernière chronique dans le spectacle, c'est celle de Michel Robitaille, La Petite Ténébreuse, et nous parle du sida, une maladie encore bien vivante. Voilà, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, en fait, journée de sortie du journal, mais également journée internationale de lutte contre le sida. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça que Michel nous parle de ça dans son article. Elle va nous parler évidemment de l'époque à laquelle le virus est apparu à grande échelle, mais aussi des préjugés qui étaient associés. Est-ce qu'ils y sont toujours associés aujourd'hui? La question se pose. La réponse, je crois que les gens ont beaucoup moins de préjugés, mais également sont peut-être un peu moins peureux par rapport au sida, qui pourtant est encore là, mais parce qu'aujourd'hui, c'est très... On sait comment il se transmet aussi. Et très répandu, beaucoup plus répandu qu'avant. Ouais. Ah ben oui, puis il s'est démontré aussi que les communautés qui souffrent de grande pauvreté, on parle par exemple du tiers-monde, souffrent aussi beaucoup plus du sida. Mais aussi, j'ai appris aujourd'hui qu'aux États-Unis, on faisait de la médicamentation par prévention du sida. Ah oui? Ouais, donc les gens ont tellement... plus peur du sida qu'ils prennent des pilules d'avance, ce qui leur permet de faire moins attention. C'est comme... Mais ben, ça va un peu avec la génération d'aujourd'hui. Hein? Une génération de pilules? Génération de peut-être un peu tête en l'air et de pas vérifier ce que tu fais nécessairement. Fait que tu espères pouvoir prévenir quelque chose en sachant très bien que tu vas gaffer. Mais ça reste que c'est pas un vaccin. Non. C'est ça qui est plutôt étrange. Ça n'empêcherait pas de le prendre. Ça ferait juste que tu t'en rendrais pas compte. Mm-hmm. Ils font en forme de liqueur aussi du Pepsi-Da. Wow. Et ensuite, il nous reste un dernier article. On a sauté plein, mais il y avait Rosie Vallant qui était au Café Bar Zenoble. La talentueuse Rosie Vallant. Voilà. J'étais également présent. Donc, l'article est d'Alicia Lemieux. J'ai couvert l'événement pour un autre média. Oui, j'ai trompé le zone. Quand c'est un site web, ça compte pas. Non, ça compte pas, c'est des faux médias. C'est, des sites web, voilà. C'est juste le futur. C'est juste qu'il va faire qu'on va fermer un jour. Donc oui, spectacle de Rosie Vallant au Zénob, très intéressant. Des sonorités, si vous aimez Elliott Maginot, Salomé Leclerc, la musique shoegaze en général, ça peut être... Dans le fond, le mot d'ordre pour ce spectacle-là, c'était réverbération. Ah, bon. Vraiment cool. Parfois même, le trio qui avait sur scène jouait avec deux basses et une batterie. Assez rare dans la chanson québécoise qu'on voit ce type de formation-là. Hein? Ouais. Vraiment intéressant. J'ai adoré le spectacle. Rosie Vallant, c'était en ballant. Ouais. Rosie Vallant. C'est tout pour les arts et spectacles, on passe en sport. Eh bien oui, du hockey, 4e victoire consécutive à l'étranger pour l'UQTR. Louis-Philippe Charbonneau nous prouve en fait que les Patriotes sont à l'aise loin du Colisée. Voilà, oui, parce qu'il y avait donc les deux derniers matchs des Patriotes dont les Patriotes se sont sortis victorieux. Donc les Voyageurs, ils ont gagné 3-1 contre les Lakers de Nisiping, ont gagné 5-3. pour compléter donc 4 rencontres parfaites depuis qu'ils ont pris la route au début du mois. On est vraiment content pour les Patriotes qui se rapprochent du premier rang, se rapprochent de l'Université McGill. Donc, on espère que ça va continuer dans cette sens-là. Grande rivalité contre McGill en plus depuis des années. Donc, si on obtient ça, c'est quand même très bon. Les Patriotes encore soutiennent la fondation Movember. Voilà, c'est la une du journal cette semaine. Les Patriotes ont décidé de s'engager pour cette cause qui est fort importante, qui, nous l'avons appris hier, ne couvrait pas seulement la lutte contre le cancer de la prostate, mais aussi... testicules! Exactement, et lutter contre les troubles de santé mentale. Ah, je savais pas. Chez les hommes? Probablement, précisément chez les hommes, étant donné que... On porte la moustache. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, je dis... On accepte les femmes à moustache, ça. Là. OK, c'est correct. Oui, ben oui, oui, oui. On était inclusifs, on l'a dit précédemment. Je vais arrêter de me la raser de bord. C'est ça, s'il te plaît. Oh, de toute façon, t'es à la radio. Ah, oh, c'est ça, personne ne me voit. Même pas la caméra 3. Même exactement. Puis le mois de novembre est fini. Fait que, c'est ça. Rasez-vous ça. Fait que je l'ai rasé de toute façon hier soir. En effet. Mais très intéressant, je tiens à le mentionner. Par rapport à la cause, le garage Jean Bureau remettait un rasoir en guise de prix de présence à tous les spectateurs qui étaient présents au match de hockey. C'est donc, cool, quand même. C'est une belle passée, là. Oui, exactement. Je trouve que la manière de fonctionner est assez originale. Donc, un article de Vincent Mongrain en une cette semaine. Et il y a aussi UQTR, 2 jours d'évasion qu'on peut faire, qui a été fait. C'est l'article de Chloé Labrevue. Oui, voilà, donc qui couvre assez souvent les articles de UQTR. Pas le débat là-dessus. Ouais, on en a parlé hier. On a déjà eu ce débat-là, alors on n'en parlera pas. À chaque semaine. Donc, oui, UQTR. qui, cette fois-ci, avait comme pour activité le samedi 28 et dimanche 29 novembre, une activité de camping. Donc, quand même bien organisé. Il y avait de la chanson, de la danse traditionnelle, également un conteur, Alexandre Picard, de son surnom, parce qu'on écrit ça Alexandre comme la cendre. Cendre. Alors, c'est un jeu de mots, fait que j'aime ça. Ouais, voilà, on pensait que c'était une faute, mais. non. Finalement, non, c'est juste un jeu de mots. Donc, l'activité semblait être fort agréable. C'est pourquoi Chloé Labreveux nous en parle dans la section des sports. Ça doit être quand même assez frisqué, hein? Ah, probablement. C'est du camping hivernal, ouais, mais sans la neige. On est comme dans un entre-deux où c'est juste de la terre battue, froide et triste. Oui, c'est ça. On est dans cette période-là, là. Ah, mais triste et grise. Je suis sûr qu'ils ont eu vraiment du fun quand même. Ils ont sûrement dû amener quelques bouteilles de caribou. C'est sûr. Ah, voilà. Chloé Labreveux qui met fin à cette section des sports. Oh, voilà, c'est tout pour le journal Zone Campus au complet. C'est ça que ça veut dire, parce qu'on termine en sport les journaux dans la vie. Mm-hmm. C'est comme ça. Exactement. Donc, le volume 11, numéro 7, en kiosque du 1er au 14 décembre 2015, avec en couverture les moustachus patriotes. Quoi qu'ils portent la barbe au complet sur la couverture. Certains d'entre eux. Non, je crois qu'il y a seulement la moustache. Moi, je vois une petite barbichette, là. Ouais, il y a une barbichette. Ah, peut-être. Une barbichette. Tania a vu la barbichette. Taux de testostérone pendant le match. Ça doit être ça, ça a poussé pendant le match. Mm-hmm. J'ai commencé le pot de bébé, toi. On l'entend pas partout. Non, bon, attends, je vais te le faire. À trois, on devrait l'entendre. C'est ça. Merci, Louis-Philippe Quentin. Ah, ben ça fait plaisir. Le journal va être en kiosque à partir de plus tard aujourd'hui, d'habitude en fin d'avant-midi. Ah, puis on vous rappelle aussi que c'est l'avant-dernier numéro avant les vacances. Oui. Ouh. Ça veut dire qu'il en reste 9 dans l'année scolaire. Exactement. Nous, on calcule comme ça. Moi, c'est le même, ça marche dans ma tête. Merci, Louis-Philippe. Ça fait plaisir. Bonne journée à toi. Aussi. Autour de la pause, ce sera Tania. Mm-hmm. It's gonna entertain ya. Reste avec nous. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fous. 80. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Reiki en ce mardi 1er décembre. Oui, 1er décembre 2015, c'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Premier du nom. En Mathieu ouais. Plante, premier du nom. Oui, quand même. Je me sens choyée. D'être celle qui rencontre le premier Mathieu Plante. Ben oui, exactement. Mais en fait, il y en a plusieurs à l'UQTR. OK. Mais je suis le premier en ordre de priorité, ça. Ah, évidemment. Parce que je l'avais en première radio, tu sais. Quand c'est dit dans les médias. C'est dit dans les médias, c'est toi qui as l'honneur. C'est exact. Tania. Oui. T'es aussi première du nom. Oui. On a fait des jeux de mots avec ton nom comme Stania. On a fait beaucoup de jeux de mots avec mon nom. Mais pourtant, je suis pas certaine que ça me tente de toutes les réentendre. Non, c'est ça. Mais pourtant, c'est que tu te dépasses à chaque jour. J'essaie. Tu sais, de divertissement, c'est ça. Tout à fait. Est-ce que t'en as un jeu de mots sur quelque chose, Tania? Non. Non? Juste celui de tantôt qui me vient en tête, puis ça me tente pas de le dire. Non. On va laisser ça. Alors, on... Oui, exactement. Donc voici Tania is gonna entertain. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école, et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. C'est Tania. Hey, bon matin! Oh, ha, ha, ha, c'était là depuis une heure et demie, mais c'est ton spot là à toi. Là. C'est mon spotlight. Là. Ton spotlight. Ouais, c'est ça. C'est comme un spot diète. C'est ça. Voilà, t'as léger. Bien compris. Léger. Tout en douceur ce matin. Qui va nous donner de l'énergie, je crois. Qui devrait. Du moins, qui va peut-être démystifier quelques trucs qu'on pense pas nécessairement tout le temps. Ah. Ouais, hein, là, oui. Je vous ai perdu. Mais en fait, Mathieu, toi et moi sommes quand même assez accros à la caféine. Oui, trop de café. Du moins, au bon goût du café. Oh. On prend nos cafés noirs. Oui. Très noir. Mais pas de crème, mais pas de lait là-dedans. Pas de crème, pas de sucre. Pas de lait. Mais justement, peut-être qu'on va apprendre des affaires sur la façon dont on boit notre café, toi et moi. OK. Et tout ça m'est venu, en fait, parce que hier soir, j'ai décidé d'aller prendre un café avec ma mère, ma tante, mon cousin et ma cousine. Quand une partie de famille avant. Partie de famille au Café Morgan. Wouhou, c'était débile. Puis, rendu à 10h, j'étais à mon deuxième café. Puis là, je me disais, c'est clair que je dormirais pas. Deuxième café de la soirée, parce qu'on en boit... De la soirée, oui, évidemment. Entre 3 et 5 par jour. Oui, ouais, 3 et 5. Oui, puis là, il y en a beaucoup qui disent « Ah, mais c'est tellement beaucoup! » Ou, tu sais, il y en a qui disent « Ah, tu bois juste ça! » Oui. Mais là, ce matin, je suis là pour justement peut-être essayer de vous donner les bienfaits de la caféine. Parce qu'il y en a, là. C'est prouvé, ça oui, aussi. Oui, et d'essayer de démystifier peut-être certaines choses qu'on pense par rapport au mauvais côté du café. Exact. Donc, ce matin, je suis votre aide, je suis votre guide. C'est votre mentor. C'est ça. Si jamais vous aimez la caféine, ben écoutez-moi. Si jamais vous aimez pas ça, écoutez-moi pareil. OK. Selon une étude, bien boire plus de 3 tasses par jour, ça nous rejoint pas mal. Oui. Ça réduirait de 20 % le risque chez les femmes de développer le cancer de la peau. Ah. Okay. C'est quelque chose que je m'attendais pas du tout. Non. Tu sais, cancer de la peau, évidemment, on pense souvent au soleil, ouais. Mais là, café, écoute, boire du café au soleil, j'ai pas de problème. Fait que, il y a la petite baie vitrée dans le nez Beauchemin depuis qu'on reconstruit ça, que c'est pas mal plaisant. Exactement. Ouais. Nous, on se met là 2-3 minutes le matin pour avoir un petit peu plus de soleil. Faudrait qu'ils posent des bancs. Si la chasse était visionnaire, ils pourraient installer des bancs de la chasse galerie sur le bord de la petite baie vitrée. C'est un cue de même. Je suis d'accord. C'est un petit cue tête. Mm-hmm. Ça donne un petit cue de même. C'est aussi bon pour les hommes, parce que boire, ben là, ça, c'est quand même beaucoup de tasses. Mais nous, on arrive là à un certain moment aussi dans notre journée. Oui, on dépasse jamais 5 tasses. Non. Plus de 6 tasses par jour. Non. Ça réduit de 60 %, c'est beaucoup, là, c'est immense. Mais 60 %. Qu'est-ce que ça réduit? Le risque des hommes de mourir d'un cancer de la prostate. Hein? Ouais. Plus que 6 tasses, là, ça commence à être pas mal... Mais ça fait beaucoup de café, là. Mon père boit... Il m'a dit, je les ai pas comptés, je sais pas s'il a mis un compteur, il dit qu'il boit comme une trentaine de cafés par jour, mais il les fait très très dilués, ça goûte presque l'eau. Ouais, c'est ça l'affaire. Tu sais, t'as le côté du café décaféiné, puis du côté non décaféiné. Ouais. Selon une étude, le café décaféiné t'apporte pas nécessairement moins que le café normal. Parce qu'il y a un petit peu de caféine quand même. Exactement. Puis ça veut pas dire que tu vas avoir les mêmes bienfaits que si t'as un café normal. Okay. Donc les gens qui pensent qu'ils sont corrects avec leur santé pour prendre du décaféiné, ben c'est peut-être juste votre estomac qui aime ça. Oui, oui, c'est ça. Oui, les problèmes d'estomac que 6 cafés et plus par jour vont t'occasionner. Exactement. Je voudrais même pas que tu m'en parles. C'est ça. Eh bien, boire au moins une tasse de café par jour, ça réduit aussi le risque d'accident vasculaire cérébral, un AVC, jusqu'à 25 % chez les femmes. Je sais pas c'est combien chez les hommes, j'ai pas trouvé. Probablement que c'est de boire plus de café parce que je crois... anatomiquement parlant, qu'un cœur d'homme est automatiquement plus gros qu'un cœur de femme, non? Mais là, on parle un petit peu à travers notre chapeau. Oui, c'est ça, je le dis, là. Je parle à travers mon chapeau, c'est 25% chez les femmes, OK? Le cœur de loup, on sait pas combien que mesure. Cœur de loup. Non. Non. Non, et voilà. Il y a aussi le fait que la consommation d'un minimum de 2 tasses par jour, là, tu vois, ça joue beaucoup dans le nombre de tasses. Tu choisis celui que tu veux empêcher. C'est je veux pas d'AVC, je vais en prendre. Tu peux pas essayer de toutes les résoudre, là. Hein? 2 tasses par jour peut réduire de 20 % les risques des femmes de devenir déprimées. Ah! Ben, comment ça va être déprimé avec le bon goût du café dans la bouche? Ben, exactement. Tu sais, la caféine a quand même des effets positifs démontrés sur l'appareil urogénital pour les femmes. Donc, c'est dans l'entrejambe. Oui, bien, non seulement ça favorise une meilleure motricité des spermatozoïdes pour les hommes, mais une consommation de 3 tasses par jour améliore le volume des urines sans modifier le débit urinaire. Ah. Donc, tu sais, quand ils disent « faut que tu urines plus, faut que tes reins fonctionnent plus », bien, si jamais vous buvez 3 tasses de café par jour, ça va aider ça. Intéressant. Pis c'est la même chose pour le foie. Ça va comme drainer ton foie. C'est bien quand même. Là. Ben oui, J'ai appris beaucoup de choses, honnêtement, en faisant cette petite recherche. 2 tasses de café par jour diminuent aussi 40 % le risque de cirrhose, cette fameuse maladie du foie qui, la plupart du temps, va arriver à la suite d'abus d'alcool. Ouais. On appelle ça aussi la maladie jaune. Parce que tu deviens jaune vu que c'est le foie. OK. Bien, ça diminue de 40 % le risque de cirrhose. C'est quelque chose que je savais pas du tout, que le café pouvait aider ton foie à mieux fonctionner. Au contraire, je pensais que justement ça allait diminuer les effets du foie, mais non, au contraire, ça agrémente ton foie. Mais ça me donne envie de mettre du sirop d'érable dans mon café. À cause du cirrhose? Ouais, c'est ça. Ouais, il n'y a pas ça à chasse. Et du miel. Pas de sirop d'érable. C'est vrai. Tu as pas une terrasse, ça, puis une petite terrasse. À la baie vitrée. Ah oui, ça serait bien. Ben oui. Est-ce que tu savais que le café diminuerait le risque de cancer de la bouche, du pharynx et de l'œsophage? Ah, mais qu'est-ce que ça ne fait pas, le café? Là? C'est fou, hein? Là, tous les gens qui n'aiment pas le café en temps habituel, c'est le moment de commencer à aimer ça. Parce qu'avouez qu'au nombre de bienfaits que ça a, ben c'est ça. Tu y penses, là. Ben tu y penses plus d'une fois. Pour vrai, tu sais, sur Internet, il y a des articles, tu sais, sur bon, le café va vous tuer. Oui, c'est sûr, je m'en viens à ça tout à l'heure. C'est ça. Il faut faire la part des choses, là. Puis à un moment donné, il faut pas juste vivre par rapport au fait que le café a des bienfaits, puis faire comment maintenant que je suis invincible. C'est ça. C'est pas de même, ça marche non plus. Non, c'est sûr que non. Ça soulage aussi les migraines. C'est vrai, oui. La Tylenol avec migraine. Tu sais, quand c'est marqué Tylenol extra maux de tête, là, il y a de la caféine dedans. Regardez sur le côté. Évidemment. Il faut la caféine mélangée avec la Tylenol. Ça régularise la glycémie. OK. Je savais pas. Non. La glycémie, ça, c'est quand tu fais du diabète. Ah, c'est pas l'émission de TV, à Drac? Ben non. Mais là, je dis pas que si vous faites du diabète, allez juste boire du café puis tout va se régler, là, quand même, hein? Voyez votre médecin puis continuez à faire ce que vous faites en temps habituel, mais je savais pas que ça régularisait la glycémie. Eh ben. Quand même. C'est un fait cocasse comme ça sur le café. Ah. Ça diminuerait aussi les troubles de la mémoire liés à l'âge. Tu sais, plus tu vieillis, plus en temps normal, tu as de la difficulté avec la mémoire à long terme ou la mémoire à court terme. Eh bien, de ce côté-là, ça améliore la mémoire à long terme. La capacité à anticiper les performances aux tests psychomoteurs dont tu te fais tester, évidemment, avec l'âge. Ouais. C'est quand même cool de savoir que si tu bois du café à un rendu à un certain âge, ça peut t'aider à te souvenir de bien des affaires. Mm-hmm. Fait que maman lâche le café décaféiné. Ben oui, c'est ça. Ça presse. Pour vrai, là. Non. Vrai. Mais ma mère, elle arrête pas de dire qu'elle a des troubles de mémoire ces temps-ci, mais elle boit tout le temps du café décaféiné. Tu peux boire du café décaféiné aussi. C'est sûr que, tu sais, mettons, tu bois du café toute la journée, puis t'arrives le soir, puis t'as envie du goût du café après souper. Tu peux prendre un décaféiné pour mieux dormir. Ça, c'est vrai. Ça. Mais de baser ma vie sur le décaféiné, je ferais pas ça. Mais ça aide à la digestion aussi. Puis, tu sais, le soir, bien souvent, t'es comme, non, pas trop sûr que tu veux te taper un gros café bien caféiné. Ouais. Fait qu'un décaf ou un moitié-moitié. Oui, un half and half, toujours bon, ça. Oui. Ça goûte vraiment bon, en plus. Un moitié café normal, puis de l'eau chaude, mettons. Tu sais, comme tu le dilues, là. Comme mon père. T'en prends 30 dans la soirée, puis. C'est ça. C'est ça. Tu sais, finalement, ton père, il a peut-être la solution à tout. Pourtant, il y a beaucoup de problèmes de mémoire, lui aussi, mais bon. Oui. Une question qui revient souvent là, avec le café, c'est est-ce que ça peut devenir une drogue? Est-ce que je peux m'avancer sur le Vas-y, fait que j'ai avance-toi. L'impression que oui, parce que ton cerveau en a besoin pour fonctionner correctement. Puis si t'arrêtes, t'as mal à la tête, il y a un rebound headache. Eh bien, Astrid Nellig, qui est le directeur de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à Strasbourg. Wow, que ça a l'air vrai, ça. Avoue que le titre est long de même pour dire qu'il fait des recherches sur le café. Il dit que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de pas pouvoir arrêter le café. Il dit par contre, il y a pas de dépendance au niveau moléculaire comme la drogue a. Tu sais, exemple, on va voir des drogues comme la cocaïne ou la morphine qui vont activer des structures particulières dans le cerveau et moléculaires, ce que le café ne fait pas nécessairement. Il dit, par contre, la caféine, oui, va montrer certains syndromes d'addiction. De dépendance. De dépendance, merci. C'est mon côté anglophone. Hein? Mais en temps normal, les symptômes disparaîtraient en moins de 3 jours. Donc, ouais. Les symptômes que tu parlais, les maux de tête, la fatigue, la nausée. C'est vrai que si on est des personnes à boire beaucoup de café et qu'on arrête bing bang d'un coup sec, en temps normal, ça peut nous arriver. Par contre, au bout de 3 jours, ça devrait être des effets qui vont disparaître tout simplement. Ça n'a rien de commun avec les effets de la drogue. Ça n'entraîne pas de dépendance, mais en réalité, on peut appeler ça plutôt un effet renforçateur. C'est qu'en provoquant des sensations agréables, le café va induire une consommation régulière. Fait qu'évidemment, c'est toi qui vas créer ta propre dépendance ouais. à ça. T'sais, c'est pas, comme je le disais, c'est pas moléculaire. C'est pas ton cerveau qui va dire « j'ai besoin de ça ». C'est comme être dépendant au gâteau, t'aimes ça. C'est ça, ben exactement. Oui. Il s'agit d'un lien d'habitude oui. qui est relié au plaisir. Donc, automatiquement, ton café, il relie le café au plaisir. Tellement. Puis là, tu veux du café dans ton yogourt, tu veux du café dans tes bâtons. Dans tes céréales. Tout le goût du café, mais pas le goût fake du café. Hein? Oui, non, ça c'est vrai. Pas le vrai goût du café. Il y a le stress aussi qui, apparemment, peut entraîner une prise assez fréquente du café. Donc, ça fait très totalement avec notre utilisation du café quotidien. C'est ça. C'est quand t'as besoin de... Ah ouais, j'ai besoin de café, là. C'est ça, là. Parce que sinon, je vais exploser. Là. C'est ça. Ouais, là, on va... T'sais... Right now. Je sais pas si j'ai besoin d'un grand café, de 6 shooters de vodka ou de dormir pendant 2 semaines. Tu sais, là, cette fameuse photo qui circule sur Internet, c'est un peu dans le même style que ça. Exactement. On dit, ah ouais, mets-moi ça dans la bouche comme... Et voilà. On l'a fait tantôt, puis ça marchait. Ou en intraveineux. Excellent. C'est ça. Ça, c'est de la bonne radio. Ça, on se rend compte que les animateurs de C'est fou sont accros au café. Et en ont besoin right now. Mais évidemment, le café, on le dit, ça fait des années qu'ils le disent, puis là, tout d'un coup, ils se mettent à démystifier plein d'affaires. Ça a des moins bons côtés, évidemment. Le café a des moins bons côtés. Ben oui. Oui. Tu sais, là, j'ai énuméré plein d'affaires qui font en sorte que oui, go aller boire du café. Par contre, ça a des effets positifs, mais ça a aussi des effets négatifs sur la santé. Est-ce que ça cause des maladies? Bien, certaines études, en fait, viendraient démystifier le fait que si on consomme beaucoup de caféine, le risque de cancer de la vessie, du côlon et du rectum est élevé. Évidemment, ce sont tous des choses qui sont beaucoup reliées à la caféine. parce que tout à l'heure, on disait que ça fait fonctionner ta vessie à sa plus grande capacité. Mais si t'en bois beaucoup, évidemment, c'est sûr que une surutilisation, c'est comme dans n'importe quoi. Mais tu peux te brûler. Là. Je sais pas, on dirait que depuis que je bois un nombre de café régulier par jour, j'ai pas l'impression que je vais plus souvent faire pipi. J'ai l'impression que ma vessie est comme plus résistante à ça. Ben, peut-être. Peut-être. Faudrait peut-être poser la question. C'est ça. Je sais pas. Mais tu peux avoir 3 fois le volume de ta vessie. Ouais. Oh. Ça te disait tout à l'heure. Ouais, ben c'est ça, parce que je parlais hier avec quelqu'un d'impro de tu sais, des concours de mangeurs de hot dogs, tu sais. Ouais. Qui trempent leur pain dans de l'eau, tout ça. Il disait que l'entraînement était vraiment difficile parce qu'il fallait qu'ils forcent leur estomac à supporter plus de poids. Ouais. Chose comme ça. C'est vrai. Je sais pas. Fait que peut-être que ça m'a fait pour le café. Mais ça dépend aussi de comment tu le bois. Okay. Tu sais, nous, on le boit noir, oui. Mais il y a des gens qui mettent du lait, ouais. De la crème, ew. Du sucre. Ouais. Évidemment, ça amène des côtés beaucoup plus négatifs. La consommation abusive de café comme ça peut favoriser la conjonctivite, la rhinite, l'asthme. Ça veut dire ça, l'asthme? J'aurais jamais pensé. Moi non plus. La dermatite atopique, je vais t'avouer que je ne sais pas c'est quoi, mais je ferai des recherches sûrement. Ça augmente aussi le taux de cholestérol. Donc, tu sais, on parlait le café, le sucre, la crème surtout. Oui. La crème, là, c'est peut-être pas la meilleure façon de prendre votre café. Non, puis la crème à café, c'est quoi? C'est quand même un pourcentage. C'est quoi? La crème à café, c'est 5... Pas 10. C'est 10? 5 points. Il me semble 5 points, c'est la crème à cuisson. Ah, on parle encore à travers notre chapeau côté pourcentage de gras, mais c'est quand même élevé. Là. Ben oui. C'est plus que du 1% ou de l'écrémé. Ben oui, c'est tout à fait. C'est ça. Ça peut amener des problèmes d'hypertension, des problèmes de pression oculaire chez les sujets à risque de glaucome. Et ça augmenterait aussi les risques de maladies coronariennes, des fausses couches et des naissances d'enfants morts-nés. Donc, tu sais, fait attention, hein? Ouais. Plus de 6... Tu sais, tout à l'heure, je disais, avec 6 tasses par jour, ça réduit de 60% le risque des hommes de mourir d'un cancer de la prostate. Mmh. Donc, là, on dit à 6 tasses, go, les gars. Mais dans les côtés négatifs, Plus de 6 tasses par jour augmenterait le risque d'hémorragie méningée chez les porteurs d'anévrisme cérébral. Oh, wow! Donc, tu sais, c'est vraiment de poser les pour et les contre et de comme n'importe quoi. C'est choisissez votre maladie! Ben, choisissez votre maladie et surtout, n'abusons pas. Ben non, mais ne jamais abuser des bonnes choses parce que de prendre un nombre limité de café par jour fait que t'as envie au prochain. Comme là, j'ai vraiment envie au prochain. Mm-hmm. Tu sais, puis j'ai envie d'arriver chez nous à soir pour en prendre un aussi. Évidemment. Évidemment. Hey, j'ai trouvé la réponse pour la crème à café, c'est bien 10 %. 10. Il y a aussi la crème mélange crème lait pour 5 %. Mais en gros, c'est 10 %. Et évidemment, le côté le plus négatif que l'on connaît, c'est que ça peut venir jouer d'une façon négative avec la qualité du sommeil qu'on va avoir. Ben oui, arrêtez de boire du café le soir. Ben ça le disait, pas nécessairement le soir, mais le nombre de cafés que tu vas boire durant toute ta journée. Parce que ça reste un peu. Hein. Exactement. En temps normal, un café va faire effet entre 3 et 4 heures. Ouais. Si tu prends 6 cafés par jour, c'est une longévité qui va aller jusque dans ta nuit, c'est certain. Tu vas être plus agité dans ton sommeil si tu bois beaucoup de café que si tu en bois modérément de, mettons, 2 à 3. Il y a une application qui s'appelle Up Coffee, est-ce que tu connais? Non, je ne connais pas. Par Jawbone, les mêmes qui font le petit bracelet de fitness. Là. Donc, ça s'appelle Up Coffee, UP, et puis le mot coffee. Ce qui est le fun, c'est que tu as une petite fiole, si on veut, et tu peux rajouter des cafés. Mais donc, mettons, tu as pris un café aujourd'hui, bon, ça va te demander la grandeur de ta tasse, etc. Bon, j'ai pris, mettons, un café de 8 onces liquide, et ça va l'insérer dans ta fiole avec un petit temps de réaction. Bon, ça va venir, ça va venir. Hey boy, ça n'a pas été mis à jour pour iOS 9, ben mince. Ah, hein? Ouais. Hey boy. Et après ça, il va pouvoir te donner aussi des conseils. OK. Donc, par exemple, bon, le café est aimé partout dans le monde, diplôme en café, bon, la différence entre l'espresso et le café, le cola dans Coca-Cola. Ah oui. Caféine versus diabète. Donc, il y a vraiment plein de conseils, un peu sur les, un peu comme les choses que tu as dit, mais en bref, étant, je crois que c'est un par jour, conseil de plus. Qui t'a alerté sur ton téléphone, ça va te le dire. Et puis, si tu, mettons, là, j'ai ajouté un café tantôt. Oui. Et tu vas avoir des graphiques aussi. Bon, par exemple, mettons, j'ai pris un café. Là, ça va être fautif parce que je ne l'ai clairement pas pris. Là. Ouais. Mais tu vois sur le graphique que la durée du café descend un petit peu au fur et à mesure que la journée avance. Et plus tu bois du café, plus tes barres vont monter. Et ça va te dire à quelle heure tu devrais être correct pour te coucher. Comme là, mettons, en ce moment... je serais encore correct pour pouvoir me coucher correctement. Alors, évidemment, tu dis ton poids et l'heure que tu te couches habituellement à l'application. Et puis, ça va te dire si tu vas être correct pour dormir ce soir avec le café que tu as pris. C'est cool, ça? On rappelle le nom de l'application? Up Coffee. Up Coffee. Voilà. Comme café dans les airs. Comme café dans les airs. Ah, c'est bien dit, mais j'adore cette application. Comme on dit, qu'on en abuse ou qu'on en abuse pas, ça a des bienfaits, ça a des côtés négatifs aussi. C'est comme n'importe quoi. Il faut savoir modérer. La modération a bien meilleur goût. Ah, tu parles bien, Tania Baudin. C'est terrible. Merci, Tania. Ça fait plaisir. On fait Tania is gonna entertain ya du lundi au jeudi avec un sujet différent chaque jour à Assemblage requis. Mathieu, est-ce que pour se laisser tout à l'heure en fin d'émission, on va faire jouer la petite chanson que je trouvais qu'il y avait un beau petit lien avec la caféine? Tout à fait. Falling in love at a coffee shop. Par London Pig. Oui, on va faire ça à la toute fin de l'émission. Pour l'instant, par contre, on va devoir se quitter parce que c'est tout pour Assemblage requis pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. On remercie aujourd'hui Marie-Laurence Audet. Bien oui, Loisir. Loisir, bien plus qu'un jeu. Et Louis-Philippe Quentin pour la chronique du Zone Campus. Demain, nous serons mercredi. À 8h, on aura Sébastien F. Gartin pour son éditorial Bulletin Gartin. Et à 8h30, Frédéric Bernard avec Google Globe et sa recherche sur Internet. On vous en reparlera demain, mais demain va être la dernière journée de l'émission, donc on va de la semaine. De la semaine. Donc on vous en reparlera demain. Ne vous alarmez pas pour l'instant. Restez sur nos ondes à 11h. Le dîner de con s'en vient avec Danny Janvier. Ensuite, à 13h, Rock de Neurones, l'émission de rock progressif en rappel. À 15h, Tania et moi serons de retour pour les paroles assez fous. Oui. Top 40 de la semaine. Ensuite, à 19h, réanimation avec du métal et de l'horreur. Cif.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Passe une belle journée, Tania. Merci, toi aussi, Mathieu. Un bon petit café, ça va faire du bien. Ça va faire extrêmement bien. Au! Ouais, ça pince. Ça fait mal à la peau, ça. À demain. À demain. Thank you. I think that possibly maybe I'm falling for you. Yes, there's a chance that I've fallen quite hard over you. I've seen the paths that your eyes wander down. I wanna come too. I think that possibly maybe I'm falling for you. No one understands me quite like you do. Through all of the shadowy corners of me, I never knew just what it was about this old coffee shop I love so much. All of the while I never knew. I never knew just what it was about this old coffee shop I love so much. All of the while I never knew. I think that possibly maybe I'm falling for you. Yes, there's a chance that I've fallen quite hard over you. I've seen the waters that make your eyes shine. Now I'm shining too. Because, oh, because I've fallen quite hard over you. If I didn't know you, I'd rather not know. If I couldn't have you, I'd rather be alone. I never knew just what it was about this old coffee shop I love so much. All of the while I never knew. What it was about this old coffee shop I love so much.